Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Lettres apostoliques du pape Paul III, contenant l'approbation et la recommandation du livre des exercices. Paul III, pape, pour la perpétuelle mémoire. La charge qui nous a été confiée de pasteur de tout le troupeau de Jésus-Christ, et l'amour de la gloire et de la louange de Dieu, nous font embrasser avec empressement tout ce qui peut être utile au salut des âmes et à leur avancement spirituel, et nous porte à écouter favorablement ceux qui nous adressent des vœux dont l'objet est d'entretenir et d'augmenter la piété dans les cœurs des fidèles. Nous venons d'apprendre de notre bien-aimé et illustre fils François de Borgia, duc de Gandie, que notre bien-aimé fils Ignace de Loyola, supérieur général de la Compagnie de Jésus, établi par nous dans notre ville de Rome, et confirmé par notre autorité apostolique, avait composé des instructions et exercices spirituels, puisés dans les saintes écritures et dans les pratiques de la vie spirituelle, et rédigés dans l'ordre le plus propre à toucher les âmes et produire en elles des fruits de piété. Le même François, duc de Gandie, nous a déclaré qu'il avait appris, non seulement par les nombreux témoignages de la renommée, mais encore par sa propre expérience, à Barcelone, à Valence et à Gandie, combien ces exercices étaient propres à procurer la consolation et l'avancement des âmes dans la perfection. En conséquence, il nous a fait supplier humblement qu'il nous plût, afin d'en multiplier et d'en étendre les fruits, et d'exciter dans le cœur d'un plus grand nombre de fidèles le désir de s'en servir avec plus de dévotion, de les faire examiner, et, si nous les trouvions dignes d'approbation et de louange, de les approuver, de les louer et de leur accorder notre protection et notre bienveillance apostolique. Nous avons donc fait examiner ces instructions ou exercices, et, d'après les témoignages et les rapports de notre bien-aimé fils Jean, cardinal prêtre du titre de Saint-Clément, évêque de Burgos et inquisiteur, de notre vénérable frère Philippe, évêque de Salué et vicaire spirituel général de notre ville de Rome, et de notre bien-aimé fils Gilles Foscarari, maître de notre sacré palais, nous nous sommes convaincus qu'ils sont remplis de piété et de sainteté, et qu'ils sont et seront toujours très utiles et très salutaires à l'édification et à l'avancement spirituel des fidèles. Enfin, ayant justement égard aux fruits abondants qu'Ignace, et la compagnie dont il est le fondateur, ne cesse de produire dans l'Église de Dieu, jusque chez les nations les plus éloignées, employant, comme un moyen très puissant, les mêmes exercices, nous nous sommes rendus aux prières qui nous ont été adressées à cet effet, et, de notre autorité apostolique, par la teneur des présentes, de notre science certaine, nous approuvons, nous louons, et nous confirmons, par cet écrit, ces instructions et exercices spirituels, et tout ce qu'il renferme, exhortant dans le Seigneur, de tout notre pouvoir, les fidèles de l'un et de l'autre sexe, tous et chacun d'eux en particulier, à faire usage d'exercices si remplis de piété, et à se former sur des enseignements si salutaires. Et nous permettons à quelque imprimeur que ce soit, choisi par Ignace, d'imprimer cet ouvrage librement, et sans qu'on puisse l'inquiéter, en sorte cependant, que, après la première édition, il ne soit plus permis, ni à lui, ni à quelque autre que ce soit, de le réimprimer sans le consentement du même Ignace ou de ses successeurs, sous peine d'excommunication, et d'une amende de 500 ducats, applicable aux œuvres pies. Et nous ordonnons à tous les ordinaires et à chacun d'eux, et à toute personne revêtue des dignités ecclésiastiques, et à tous les chanoines des églises cathédrales et métropolitaines, et aux vicaires spirituels des ordinaires des mêmes églises, généraux ou officiaux, établis dans quelque lieu que ce soit, au nombre de deux ou un seul d'entre eux, soit par eux-mêmes, soit par un ou plusieurs autres, de protéger efficacement, en ce qui regarde ses exercices spirituels, tout membre de cette compagnie, ou tout autre qui aurait les mêmes droits, afin qu'ils jouissent paisiblement, en vertu de notre autorité, de cette concession et de cette approbation, ne permettant pas qu'aucun d'eux soit inquiété par qui que ce soit contre la teneur des présentes, réprimant la témérité des contradicteurs et des rebelles par les censures et les peines ecclésiastiques et par les autres voies de droit convenables, sans appel, et invoquant, s'il est nécessaire, le secours du bras séculier. Nonobstant la défense de Boniface VIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, de faire comparaître les accusés à plus d'un jour de chemin de leur diocèse, et celle du concile général, de les citer à plus de deux, pourvu qu'on ne s'autorise pas des présentes pour les appeler à plus de trois, et nonobstant toute autre constitution ou ordonnance apostolique, ainsi que toute ordonnance contraire, quelle qu'elle puisse être, même le privilège accordé en général ou en particulier par le Saint-Siège, de ne pouvoir être interdit, suspendu, ou excommunié par des lettres apostoliques qui ne feraient pas mention pleine, expresse, et mot à mot de ce privilège. Et nous voulons que les copies des présentes, signées d'un notaire public, et munies du sceau de quelque prélat, ou personne constituée en dignité dans l'Église, obtiennent la même foi, et jouissent de la même autorité, en justice ou hors de justice, que les présentes, si elles étaient exhibées et montrées. Données à Rome, à Saint-Marc, sous l'anneau du pécheur, le dernier jour de juillet, l'an 1548, de notre pontificat, le 14e. Marquem d'anarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.